prenez ce qu'on appelle la culture urbaine, qui vient des ghettos de Los Angeles, puis des coins comme à New York, comme Brooklyn, puis tout, puis comment ça se fait qu'il y a des jeunes Québécois à Coutré de même? Ben, parce qu'on est décolonisé, puis on n'a pas d'identité, puis bon, ça, c'est pas de la culture, là, c'est comme des fleurs de cerisier, c'est éphémère. C'est des affaires éphémères, puis bon, il y en a, là, sont toutes dans ces looks-là, puis tout, ben ouais, mais ça revient au même qu'il y a les chemises à frou-frou, puis les gros nœuds papillons en velours des années 70. C'est pas réel, ça perdurera pas, c'est passager, c'est fait pour être de la vacuité, dans le fond, ça n'a aucune solidité, puis à mes yeux, ça n'a aucune valeur. Bien là, il faut avoir un manque d'identité pour tomber dans des sous-cultures de même, puis même sous-culture, c'est même pas de la. Moi, à mes yeux, ces affaires-là, c'est de la pollution. C'est des activités de compensation liées à de la souffrance sociale qui a engendré ce qu'on va appeler par après des sous-cultures. Après, bon, c'est exploité, puis ça devient un produit de consommation. Mais il reste que ces affaires-là, ça peut pas avoir de valeur. Ça peut pas en avoir. C'était un peu comme quand j'étais pas mal plus jeune, puis là, c'était les Doc Martens, puis c'était le grunge. Puis je me rappelle, un matin à l'école, tout le monde allait faire la terre, puis moi qui ne m'intéressais pas à ces affaires-là, puis j'en avais rien à faire. Le monde, ah, Kurt Cobain s'est suicidé. Ah bon, c'est qui donc ça? Je me rappelle plus du. Ben, c'est là, Nirvana, puis tout, je faisais, ah, un drogué de moins. Hey, le scandale! Le scandale! Ben oui, mais ces affaires-là, c'est. Voyons, là. Ça a pas de. Moi, à mes yeux, en tout cas, ça n'a pas de valeur. C'est comme, bon.